France Inter, franceinter.com. Il s'agit sans doute de l'un des événements les plus incompréhensibles de la première guerre du Golfe, celle qui a opposé 8 années durant l'Irak à l'Iran, la frappe, en 1987, d'une frégate américaine, l'USS Stark, par des missiles tirés par un appareil irakien. Alors même que les États-Unis avaient nettement choisi le camp de Bagdad dans cet interminable et meurtrier conflit. Un choix purement stratégique, Saddam Hussein apparaissant comme le meilleur rempart contre la contagion islamique téléguidée par les ayatollahs de Téhéran. Et nous avons vu la semaine passée avec M. X que ce soutien s'est traduit par une aide massive tant militaire qu'alimentaire. Un puissant lobby pro-irakien s'est alors constitué à Washington et les représentants des plus grandes entreprises états-uniennes se sont précipités à Bagdad pour signer de fructueux contrats en parfait accord avec l'administration et la Maison-Blanche, quitte à planter des banderilles aux industriels français qui étaient jusqu'alors les principaux fournisseurs de l'Irak, quitte surtout à accroître encore plus la faramineuse dette d'un État qui mène depuis longtemps sa guerre à crédit et sera bien sûr incapable de rembourser. Ce qui sera l'une des causes principales de la deuxième guerre du Golfe, celle qui opposera l'Irak seulement 3 ans plus tard, à une formidable coalition alliée conduite par les mêmes États-Unis. Mais, comme dirait M. X, n'allons pas trop vite. En 1987, donc, entre Washington et Bagdad, c'est la lune de miel. Et rien n'est trop beau pour équiper l'armée irakienne et lui permettre de résister aux coups de boutoir des combattants iraniens qui déferlent par vagues sur le front. Alors, dans ces conditions, pourquoi un appareil irakien va-t-il attaquer un bâtiment états-unien qui navigue tranquillement dans les eaux du Golfe? Une frappe meurtrière qui provoque la mort de 37 marins américains et qui, paradoxalement, ne donnera lieu à aucune réaction belliqueuse de Washington. Mais ce n'est pas la seule question posée par cette mystérieuse agression. أشارت بطرف العينين وخيفة أهلها Thank you. Précision avant d'aborder le fond de cet épineux dossier. En 1987, ce que l'on a appelé la guerre des tankers bat son plein. Et c'est dans les eaux du Golfe, ça. Depuis le littoral du Koweït jusqu'au détroit d'Ormuz, oui. Il s'agit pour les belligérants d'essayer d'asphyxier financièrement l'ennemi en paralysant son commerce pétrolier. Et ça a commencé par des bombardements des installations, hein. Raffineries ou terminaux. C'est exact. Et dès le début de la guerre. Et ça ne suffit pas, car les Iraniens en particulier ont tenté de déplacer leurs installations afin qu'elles soient hors de portée des bombardiers irakiens. Aussi est-il décidé à Bagdad, où on a pris conscience de la supériorité des forces terrestres de Téhéran, de s'en prendre aux tankers qui transportent le pétrole iranien. Quelle que soit leur nationalité. Et leur pavillon. Il suffit qu'ils aient chargé du pétrole iranien. Et bien sûr, Téhéran ne tardera pas à rendre l'appareil à son adversaire en essayant de couler des bâtiments chargés de pétrole irakien. Mais à ma connaissance, il y avait déjà eu des raids contre des navires transportant du pétrole. Certes, mais c'était des petits navires qui avaient été bombardés. La nouveauté, c'est que ce sont les énormes tankers qui deviennent la cible des missiles irakiens. Concrètement, là, est-ce que cette... guerre des tankers est efficace. En un mois, au printemps 87, une vingtaine de gros bâtiments sont déjà atteints. Et au fil des mois et des semaines, cette guerre par procuration prend d'énormes proportions. Au total, on comptera presque 600 attaques de pétroliers. 70 d'entre eux seront mis hors service et une vingtaine coulées. C'est donc une sorte de tournant dans la guerre. Vous avez raison, oui. Et ce tournant dans la guerre du Golfe est très important pour au moins deux raisons. La première, c'est que ces attaques, en se généralisant, sont susceptibles d'entraîner des bavures. Ouais, des confusions. Et c'est ainsi que dans un premier temps, à propos de l'agression contre la frégate Stark, Bagdad pourra prétendre que l'attaquant avait cru avoir affaire à un tanker et non pas à un bâtiment militaire états-unien. Moi, je ne suis pas spécialiste, mais on peut réellement confondre. C'est douteux. Vous le verrez un peu plus tard, le pilote irakien n'a pas tiré à vue, mais à une grande distance. En se fiant aux images fournies par son radar. En effet, mais ça, je vais y revenir. D'accord. La deuxième raison, c'est que la multiplication de ces raids contre les tankers va entraîner une internationalisation du conflit. Ce que cherche depuis longtemps Bagdad, qui voudrait entraîner dans la guerre contre l'Iran tous ses voisins régionaux, à commencer naturellement par l'Arabie Saoudite. Pourtant, j'imagine que les Saoudiens, eux, voudraient bien rester à l'écart. Et ils feront tout leur possible pour le rester, même quand certains de leurs navires seront attaqués. Mais Saddam Hussein vise encore plus loin. Il voudrait, pardonnez-moi l'expression, mouiller les grandes puissances. C'est-à-dire les deux super grands. Oui, parce qu'il sait qu'ils seront les seuls capables de contraindre l'Iran à accepter un cessez-le-feu. Et indirectement ou pas, Téhéran permettra à Bagdad d'exaucer son vœu. Comment là ? C'est le petit Koweït qui va être au centre de l'affaire. Les Iraniens accusent en effet les autorités de l'Émirat d'autoriser les avions irakiens à se ravitailler en carburant sur leurs aéroports avant d'aller bombarder leurs installations pétrolières. Donc pour Téhéran, le Koweït est un allié objectif de Bagdad. C'est ça. Et les Iraniens décident d'exercer des représailles en s'attaquant aux tankers qui transportent du pétrole chargé dans les ports du Koweït. Pour l'Émirat, c'est très grave, car le pétrole représente sa seule ressource. Mais c'est donc toute son économie qui est menacée, là. Et le premier réflexe des autorités koweïties, c'est d'appeler à l'aide les États-Unis, auxquels elles demandent d'assurer la protection de leurs tankers. Réponse de Washington, hein. Eh bien, les Américains ne sont pas très chauds. Pourquoi ? Ils n'ont pas très envie de se fourvoyer dans le guépier du Golfe, où il n'y a que des mauvais coups à prendre. D'accord, mais vous m'avez dit qu'ils aidaient déjà massivement l'Irak. Certainement. Mais c'est une chose que de fournir des équipements de toutes sortes à un pays et une autre que de lui venir en aide militairement. Et puis, il ne faut pas oublier que la Maison-Blanche, déjà empêtrée dans le scandale des Grandes Guerres, n'a guère envie de s'engager. Malgré la présence dans le golfe de plusieurs bâtiments de la marine états-unienne. En effet. Et Ronald Reagan, qui n'est alors pas très vaillant, doit estimer que cette seule présence navale doit être dissuasive. Ça ne suffit pas pourtant à rasséréner l'émir du Koweït. Aussi, celui-ci, devant l'absence des réactions de Washington, se tourne vers Moscou. Ah, j'imagine que les Soviétiques sautent sur l'occasion. Bien évidemment, si j'ose dire. Ils n'attendaient que ça pour justifier leur présence militaire dans le Golfe. Mais concrètement, ça se traduit comment tout ça là? Moscou propose au Koweït d'affréter des pétroliers. Des tankers qui battront donc pavillon soviétique. Et ça devrait permettre d'assurer leur sécurité. Ouais, car en cas d'attaque, les navires de guerre soviétiques pourraient se livrer à des représailles très efficaces. D'autant que l'exécution de ces sévères représailles ne pourrait que conforter la politique pro-arabe de Moscou. Mais, et c'est la principale conséquence de cette affaire, Washington ne pouvait plus désormais rester passif. Ah oui, il fallait répliquer à l'offre soviétique. Et la Maison-Blanche est brusquement sortie de sa réserve et a proposé au Koweït d'immatriculer aux États-Unis 11 de ses tankers. Des tankers placés dorénavant sous la protection états-unienne. Et donc moins vulnérable. En tout cas, cette affaire a ébauché l'internationalisation de la guerre du Golfe tellement souhaitée par Bagdad. Désormais, qu'il le veuille ou non, les deux supergrands étaient impliqués. Même si à Washington, confronté à un congrès hostile, un Ronald Reagan affaibli rechignait à s'engager plus avant. Il estimait déjà avoir fait le maximum en proposant cette immatriculation des tankers du Koweït. Exactement. Mais pour Saddam Hussein, ce n'était pas encore assez. Et le dictateur irakien était bien décidé à tout faire pour obtenir que les États-Unis s'impliquent. Saddam Hussein ne pouvait quand même pas imaginer voir les Américains s'engager à ses côtés. Militairement, non. Mais son espoir était que Washington mette tout son poids dans la balance pour obliger l'Iran à accepter la fin des hostilités. Je veux bien, mais comment concrétiser cet espoir? Eh bien, sans en avoir véritablement la preuve, je pense que l'attaque de la frégate états-unienne Stark par l'aviation irakienne a été l'élément déclencheur. Attendez, là, il faut m'expliquer. Comment, enfin, en se livrant à une attaque contre un bâtiment américain, Saddam Hussein peut-il penser que les États-Unis seront joints à ses côtés? C'est en effet tout le paradoxe de cette histoire. Mais il faut bien constater que c'est pourtant le résultat auquel il va arriver. Mais contre toute attente, alors. C'est vrai. La meilleure preuve est fournie par Téhéran, qui s'est d'abord réjoui. Téhéran, on a imaginé que l'attaque de la frégate Stark par les Irakiens allait compromettre les relations entre Washington et Bagdad. Et ça paraissait en effet logique. Le régime des ayatollahs a même pensé qu'à la suite de cette attaque meurtrière qui a causé la mort de 37 marins américains, Washington userait de toutes ses forces pour mettre fin aux attaques contre les navires étrangers dans le Golfe. Et il n'en a rien été. Eh bien au contraire, la Maison-Blanche a pris le parti de Bagdad. Ouais, en passant alors par pertes et profits la mort de ses marins. C'est la vérité, aussi surprenante qu'elle apparaisse. Thank you. C'est donc un véritable retournement de la politique états-unienne qu'on va assister. Pourtant, à Washington, les partisans d'un rapprochement avec l'Iran et au premier chef les acteurs de l'Iran Gate tardèrent à renoncer, si j'en juge par cet extrait d'un article de Pierre Mélandry paru dans la revue 20e siècle en 1992. Une anecdote suggère l'irresponsabilité dont certains d'entre eux pouvaient témoigner. Encore au début d'octobre 1986, pour convaincre un interlocuteur iranien, un membre influent du Conseil national de sécurité, le colonel North, sorte de cow-boy super patriote nourrissant une vision du monde à la Peter Pan, n'avait pas hésité à suggérer qu'un week-end de prière avait persuadé Reagan que Dieu voulait le voir accepter la révolution islamique et a prêté au président des propos si grossiers sur Saddam Hussein que l'interprète avait hésité à les rapporter. En réalité, quelques mois après, les États-Unis allaient s'engager dans une intervention armée dont l'Irakien serait le premier à bénéficier. La première idée qui vient à l'esprit pour expliquer la passivité américaine après l'attaque de sa frégate, c'est que les États-Unis ont peut-être d'abord eu envie de se faire pardonner l'Iran Gate. Ça a certainement joué. Mais ce n'est pas la seule explication possible. Ce qui a surtout joué, à mon avis, c'est que les hommes d'affaires américains signaient de juteux contrats avec Bagdad. Il n'était donc plus question de contrarier Saddam Hussein. Oui, c'était aussi mettre une croix sur la politique états-unienne conduite depuis le début de la guerre du Golfe. Hein. Ni vainqueur, ni vaincu. C'est vrai, d'autant que Washington subissait une pression de plus en plus importante de la part de ses alliés arabes dans le Golfe. Et d'abord celle de l'Arabie saoudite, qui craignait au premier chef que l'Iran, triomphant des Irakiens, ne devienne la puissance dominante dans la région. Une puissance chiite. En outre, les Saoudiens étaient légitimement inquiets pour l'acheminement de leur cargaison de pétrole. Par conséquent, parallèlement à la volonté irakienne, ils n'ont rien négligé pour pousser les États-Unis à s'engager toujours plus, en particulier en augmentant leur présence navale dans le Golfe. Enfin, ça, c'est une victoire de Saddam Hussein qu'on a un peu oubliée. Hein. Saddam Hussein qui deviendra aux yeux des Américains le diable seulement 3 ans plus tard. 3 ans, oui. Alors, il est peut-être temps de revenir sur cette surprenante attaque contre la frégate Stark. Parfaitement. Et vous n'êtes pas au bout de vos surprises, je vous préviens d'emblée. Alors pour commencer, voyons l'événement tel qu'on l'a vécu à bord du Stark. Ce 17 mai 1987, en début de soirée, cette frégate de patrouille navigue à 70 km au nord-ouest du Qatar, c'est-à-dire relativement loin des zones où sévit la guerre des tankers. Est-ce un bâtiment moderne? Tout à fait. Le Stark a été mis en service en 1982. Ah oui. Et son équipage, 168 hommes et 17 officiers, est très expérimenté. En outre, la frégate est pourvue des systèmes de défense les plus sophistiqués. Elle est en particulier dotée d'un canon multitube associé à un double radar de recherche. Oui, comment fonctionne ce système-là? Eh bien, si un missile est détecté, les radars permettent de suivre sa course au ras des flots. Et quelques centaines de mètres avant que l'engin ne touche sa cible, le canon tire une véritable grêle d'obus et le détruit. Oui, le Stark semble donc très bien protégé. Incontestablement. Mmh. Par conséquent, et c'est très important, le bâtiment n'est pas placé en état d'alerte maximale. Et le système de détection automatique des missiles a même été débranché et placé en position manuelle. Ah bah ça, c'est imprudent, non? Apparemment pas. Et le commandant du Stark, le capitaine Glenn Brindle, se justifiera plus tard en expliquant qu'il voulait ainsi éviter une éventuelle bavure. C'est-à-dire quoi? Un tir contre un objectif famille? C'est ça. Mais il faut aussi remarquer que Brindle variera dans ses explications et prétendra qu'en réalité, le système antimissile était défectueux. Enfin, je poursuis la chronologie. Vers 22h, le radar de la frégate détecte un appareil irakien, sans doute un Mirage, qui vole très bas et lentement le long de la côte de l'Arabie saoudite. Attends, et comment sait-on à bord que c'est un avion irakien? Parce que sur l'écran du radar, cet avion est matérialisé par une tache verte, ce qui signifie que c'est un appareil ami. Ah bon? Pas de menace, donc? Non, d'autant que le capitaine Brindle a l'habitude de voir des avions irakiens survoler son bâtiment. Il n'empêche qu'il envoie un message radio à cet appareil en lui demandant de s'identifier. Une procédure normale, j'imagine. Ouais. Toutefois, curieusement, ce message n'obtient aucune réponse. Et sur l'écran radar, les marins américains constatent une minute plus tard que l'appareil vire vers le nord et prend de l'altitude. Il n'y a donc toujours aucune raison de s'inquiéter à bord de la frégate. Et c'est effectivement le cas. Mais peu de temps après, un homme de la vigie donne l'alerte. Un missile volant au ras de la mer se dirige vers le Stark. Le capitaine Brendle est bien sûr le premier informé. Mais il est trop tard pour réagir et essayer d'abattre l'engin. Une poignée de secondes plus tard, le missile, un Exocet AM-39, chargé de plus de 150 kg d'explosifs, frappe le navire. Un Exocet, donc un missile de fabrication française. Une arme qui a beaucoup fait parler d'elle au cours de la guerre des Malouines, souvenez-vous. Grâce à cet Exocet, les Argentins ont même coulé un bâtiment britannique. Oui, ce qui, entre parenthèses, et de façon parfaitement cynique, lui a fait une excellente publicité. Mais enfin, passons. Ouais. L'Exocet qui frappe le Stark provoque beaucoup de dégâts. Il faut savoir qu'il vole à 1000 km/h. Donc l'engin traverse plusieurs cloisons de la superstructure du navire. Mais heureusement, il n'explose pas. Cependant, il déverse dans le quartier avant des dizaines de litres de kérosène qui s'enflamment aussitôt et provoque un incendie au cours duquel plusieurs marins allongés sur leurs couchettes sont brûlés vifs. Mais si j'ose dire, ça n'est qu'un début. Car 30 secondes plus tard, un deuxième Exocet atteint la frégate et cette fois, l'engin explose. Et les dégâts sont encore plus considérables. Les dégâts et les morts. Je vous le rappelle, 37 marins périssent. Quant aux dommages, ils sont considérables et l'incendie ne sera pas éteint avant 2 jours. Mais le bateau ne coule pas. Non, il pourra même être remorqué jusqu'à Barennes où il sera sommairement réparé avant de rejoindre par ses propres moyens un chantier de construction navale aux États-Unis. Et il reprendra un jour la mer ? Oui, mais c'est relativement anecdotique à côté de l'événement lui-même. Alors, avant d'en venir aux conséquences, j'imagine que l'on va voir ensemble le même épisode du côté irakien. Du côté du pilote irakien, oui. Appelons-le le major M. Pourquoi ? On ne connaît pas son nom ? Les Irakiens n'ont jamais officiellement communiqué son identité. Et on ne sait même pas très bien ce que cet homme est devenu ensuite. Mais on possède quelques informations sur la carrière de cet officier de l'armée de l'air irakienne. C'était un pilote de Mirage, très expérimenté, qui comptait près de 1000 heures de vol de combat. Ah oui, ça semble en effet beaucoup, ça. Il avait déjà effectué plusieurs missions au cours desquelles il avait déjà tiré des Exocets contre des pétroliers chargés de pétrole iranien. Quoi qu'il en soit, ce pilote avait sans doute fait partie des aviateurs entraînés en France. Par des instructeurs français. Je vous le promets, je reviendrai sur l'étroite collaboration militaire nouée entre la France et l'Irak. Toutefois, pour l'instant, là n'est pas l'essentiel. Car ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que le 17 mai 1987, ce mystérieux Major M ne pilotait pas un Mirage, mais un appareil civil. Un appareil civil, mais quoi ? Un Falcon 50. C'est un avion d'affaires, ça. Tout à fait. Cependant, celui-là avait subi de considérables modifications. Et il avait été équipé de missiles Exocet. Exactement. Alors, si vous me le permettez, faisons un petit retour en arrière. En réalité, ce n'était pas la première fois que l'aviation militaire irakienne utilisait un avion civil de ce type. Alors, racontez-moi, alors. Ça va me conduire à nouveau à parler de la guerre des pétroliers. Depuis le début de cette première guerre du Golfe, les Irakiens, avant de s'en prendre aux tankers, avaient ciblé en priorité les installations pétrolières iraniennes. Oui, on l'a vu, raffineries, terminaux... Oui, c'est essentiellement le port de l'île de Kark qui a été visé à de nombreuses reprises parce qu'il était à portée de vol des bombardiers irakiens. Mais Téhéran, qui était menacé de ne plus pouvoir exporter son brut, a trouvé la parade en déplaçant ce terminal dans l'île de Syrie, au sud du Golfe, à plus de 750 km de la base irakienne la plus proche. Conséquence, ce nouveau terminal était hors d'atteinte des bombardiers irakiens, Mirage ou super-étendard prêté par la France. Oui, parce que 400 km aller-retour, c'était plus que ce que permettait leur capacité d'autonomie en vol. C'est ça. Attendez, c'est bien beau de déplacer un terminal, mais les puits, eux, on ne pouvait pas les déplacer. Aussi, les Iraniens ont-ils mis en place tout un système de navettes, c'est-à-dire de petits navires qui chargeaient le pétrole et le transportaient jusqu'au nouveau terminal de Syrie, où les tankers les attendaient. Ouais, parce que ces petits bateaux étaient moins vulnérables que les gros bâtiments. Et qu'ils étaient en outre équipés de systèmes de contre-mesures efficaces. Afin d'échapper aux tirs de missiles. Mais cette ruse des Iraniens n'a nullement dissuadé Bagdad de tout faire pour s'attaquer à ce nouveau terminal. quitte à organiser des ravitaillements en vol des bombardiers. Cependant encore, fallait-il posséder des renseignements très précis sur les nouvelles installations pétrolières construites par Téhéran ? Et c'est là où, pour la première fois, un Falcon 50 va être utilisé à des fins militaires. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Sous la signature du général Ahmad Sadik et de Tom Cooper, c'est le magazine spécialisé Le Fana de l'aviation qui a révélé en France cette affaire du Falcon 50. Et dans cet extrait, les auteurs remontent à la source de l'histoire. Une nuit du début de l'année 1987, un groupe d'officiers du bureau de préparation des opérations de l'Air Force irakienne se réunit pour déterminer les moyens d'attaquer par air. Non loin de là, dans le bâtiment du service de renseignement de l'aviation, un autre groupe d'officiers réunissait les informations sur Syrie et ses défenses anti-aériennes. Comme il n'existait aucune photo aérienne et que celle-ci était indispensable à la préparation d'une attaque, ils cherchèrent les moyens de s'informer. Il avait déjà été décidé que, sans photo, la mission n'aurait pas lieu. Le problème était que le survol de Syrie par des MiG-25 RB de chasse et de reconnaissance, fréquemment expédiés au-dessus de Karg, était interdit pour ne pas alerter les Iraniens. Il fut donc décidé d'attaquer le nouveau terminal avec des Mirage F1 EQ, en mettant en œuvre les équipements de ravitaillement en vol récemment acquis. Mais la question des photos restait en suspens. Presque une semaine plus tard, deux officiers de renseignement irakiens se présentèrent à la porte du bureau du général Chaban. Ce qu'ils avaient à dire était une question. Est-ce que des photos prises avec une caméra spéciale par un avion de ligne conviendraient ? Chaban répondit qu'il fallait en discuter. Aussitôt, il fut rejoint par le chef de ses renseignements et le second de ses opérations. Ils discutèrent pendant 4 heures, y compris pendant le déjeuner. Pardonnez-moi ma naïveté, mais pourquoi utiliser un Falcon 50 ? Parce qu'à la différence des Mirage ou des MiG de l'aviation irakienne, ce petit jet possède une considérable autonomie de vol. 6500 km, je crois. Ah oui, j'ai compris. En fait, il fallait vraiment faire en sorte que le vol du Falcon apparaisse comme un vol civil parfaitement anodin. Mais quand même, un vol dans un espace aérien interdit, hein, car j'imagine que les Iraniens avaient décrété une interdiction de vol au-dessus de leur nouveau terminal. Bien entendu. Aussi était-il prévu qu'en cas de difficulté, le pilote invoquerait une défaillance de son système de navigation. L'affaire, je dois le dire, a été extrêmement bien préparée. L'avion, d'abord. Ce Falcon 50 était immatriculé en Suisse. Et son équipage était également suisse. Mais le Falcon est un avion d'affaires construit par Dassault. Hein. La firme française a-t-elle été plus ou moins associée à cette entreprise d'espionnage ? Vous avez raison de parler d'espionnage. Car l'action a été réellement conçue comme une mission de renseignement. Mais je réponds à votre question sur Dassault. Je suis à peu près persuadé que l'entreprise française a été discrètement informée. Et la suite de cette histoire le démontrera. Alors la mission ? Elle est conçue comme un vol banal destiné à acheminer trois riches commerçants arabes d'Arabie Saoudite en Inde. Et le plan de vol fait passer le Falcon à proximité du terminal de Syrie. Naturellement. Et il suffira d'une légère déviation pour que les passagers, en réalité des officiers de renseignement irakiens, prennent d'excellentes photos du site. Ce qui a été réalisé ? Oui, oui, la mission a été parfaitement réussie. Et les Iraniens n'y ont vu que du feu. Mais si j'ose dire, il y a quand même eu un os. Quoi ? Une fuite. Un article publié dans un journal londonien révélant que l'Irak avait utilisé un avion commercial pour prendre des photos de l'île de Syrie. Et cette fuite alors ? Ah ben je ne sais pas d'où elle venait, mais elle a obligé l'aviation irakienne à précipiter son opération de bombardement du nouveau terminal de Syrie. Et ce bombardement a été vraiment effectué alors ? Oui, par des Mirage ravitaillés en vol. Leurs bombes ont causé suffisamment de dégâts pour que les Iraniens déplacent une nouvelle fois leur terminal. Encore plus loin ? Évidemment. Mais c'est la suite qui est intéressante. Car cette première mission militaire d'un Falcon a donné des idées aux généraux irakiens. Et ils ont imaginé de doter cet avion civil de dispositifs d'attaque. Mais pourquoi un Falcon, encore une fois ? Pour deux raisons. Appareil commercial, il a des chances de ne pas attirer l'attention de l'adversaire. Et puis, il y avait son autonomie de vol. Oui, mais enfin... Encore une fois, j'y connais pas grand-chose, mais on ne transforme pas un avion civil en avion de combat sur un simple coup de baguette magique. Et c'est là où l'on retrouve Dassault, le constructeur du Falcon, mais aussi des Mirages. C'est ainsi qu'au début de l'année 1987, une délégation de hauts gradés irakiens, dont plusieurs pilotes de chasse déjà formés en France, a débarqué chez nous dans le plus grand secret. D'ailleurs, ils n'ont pas traîné à Paris et ont été immédiatement conduits sur la base d'Istres. Près de Marseille. Là où sont basés et expérimentés les Mirages, oui. Un endroit que les Irakiens connaissaient très bien, comme ils connaissaient aussi très bien les instructeurs et techniciens de Dassault. En somme, on était en famille. Quasiment. Mmh. Et ici, il faut tout de suite dire que la coopération était telle entre Paris et Bagdad que les militaires irakiens étaient dotés des meilleurs équipements français. Il est même arrivé que l'aviation irakienne possède des dispositifs sophistiqués qui n'étaient pas encore en service dans nos propres escadrilles. D'accord, mais revenons à ce voyage à Istres-là. Le staff de Dassault a présenté aux Irakiens un Falcon 50 modifié de façon très curieuse. Le poste de pilotage était partagé en deux. D'un côté, on trouvait les commandes de vol habituelles, mais de l'autre côté, les techniciens de Dassault avait reconstitué un poste de pilotage de Mirage comportant en particulier un radar et tous les dispositifs permettant de tirer des missiles Exocet. Un avion mixte, quoi. Mais un véritable appareil de combat. Le reste du séjour des Irakiens s'est passé en divers vols expérimentaux afin que les pilotes se familiarisent avec cet étrange appareil et que les gens de Dassault résolvent un certain nombre de difficultés techniques inhérentes à la métamorphose. En tout cas, ça a été très rapide, car quelques jours plus tard, le Falcon a pris son envol en direction d'une base militaire irakienne. Ouais. Une question, quand même, avant de poursuivre. Là, le gouvernement français avait-il été informé ? Forcément. Dassault avait reçu un feu vert des plus hautes autorités. Et puis en 1987, Jacques Chirac était Premier ministre. Et vous savez qu'il entretenait depuis plus de 10 ans d'excellentes relations personnelles avec Saddam Hussein. Mais je dois à la vérité de dire que cette collaboration franco-irakienne, entamée dès 1975 par le même Jacques Chirac, s'est poursuivie à partir de 1981. Donc sous les socialistes, sous Mitterrand. Oui. Paris a même soustrait à sa propre aviation navale 5 super étendards pour les prêter à Bagdad. Et ces appareils se sont révélés particulièrement efficaces quand il s'est agi de détruire les installations pétrolières iraniennes. Mais la France est allée bien au-delà, puisqu'elle a été, au moins jusqu'au moment où les États-Unis lui ont damé le pion, le principal fournisseur d'armes de Saddam Hussein. Hélicoptères, blindés, canons, obus, radars. On a vendu aux Irakiens tout ce qu'ils demandaient. Et pour les industriels, c'était tout bénéfice, puisque ces exportations étaient garanties par la COFAS. Oui, c'est-à-dire par... Simplifions, par le gouvernement. Hein. En gros, oui. Et ça a fini par coûter très cher aux contribuables français. Et dans le même temps, on a aussi vendu clandestinement des armes à Téhéran aussi. Oui, hein. Oui. Souvenez-vous de l'affaire Luchère. Oui. Nous avons donc eu aussi notre Iran Gate. Observez que l'Iran Gate français a fait beaucoup moins de bruit. Ouais. Question de tradition, sans doute. L'utilisation du fameux secret défense. Comme vous voudrez. Alors, revenons à notre Falcon 50 modifié, acheté par Bagdad. Dès son arrivée sur le sol irakien, il est bien sûr dissimulé aux yeux des curieux. Mais est-ce qu'on l'équipe effectivement d'un dispositif d'attaque ? Tout à fait. On fixe sous ses ailes deux exocets AM-39. Ah, et donc opérationnel. Oui, hein. Et l'état-major irakien compte l'utiliser dans la guerre des tankers. Ouais, donc pour attaquer et détruire des pétroliers. Mmh. A-t-il effectué des missions avant le 17 mai 1987 ? Bon, ça, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit. Ce 17 mai, c'est le major M qui est aux commandes. Et c'est, il faut le rappeler, un pilote très expérimenté. Et qui est parfaitement à l'aise puisqu'il a l'habitude du Mirage. Mmh, et que les commandes du Falcon modifiées sont exactement les mêmes. Hein. Après avoir décollé de la base aérienne de Wada, le major M longe les côtes de l'Arabie. Puis, à la hauteur de Bahreïn, il vire vers la gauche et cherche une éventuelle cible. Un pétrolier, quoi. Dans tout cas, ce que prétendra plus tard Bagdad. Et effectivement, le pilote irakien repère sur son radar ce que les aviateurs appellent un gros objet de surface, c'est-à-dire un bâtiment qui navigue à la limite de la zone d'exclusion fixée par Bagdad. Une zone où l'aviation irakienne est autorisée par son gouvernement à frapper les pétroliers. C'est ça. Alors, toujours selon la version officielle de Bagdad, le major M a-t-il cru que ce présumé pétrolier essayait de ruser en naviguant à la limite de cette zone d'exclusion ? En tout cas, il n'hésite pas et après avoir rentré les coordonnées de l'objectif sur son dispositif de tir, il actionne ses deux exocets. Et à ce moment-là, à quelle distance se trouve-t-il de sa cible ? Une quarantaine de kilomètres. Donc il n'a pas reconnu visuellement son objectif. C'est exact. Mmh. Et tandis qu'il vire de bord pour rejoindre sa base, les deux missiles font mouche et provoquent les destructions que vous savez à bord de la frégate Stark. Moi, je trouve que les justifications fournies par Bagdad se tiennent. Hein. Peut-être. Et pourtant, personnellement, j'ai du mal à croire à la méprise. Surtout quand on observe que ce crime parfait permet ensuite à Saddam Hussein de réaliser son principal objectif, c'est-à-dire une implication de plus en plus grande des États-Unis dans le Golfe. Et puis, réfléchissez. Pourquoi ce Major M a-t-il été très vite soumis à une sorte de clandestinité ? Moi, ça me paraît évident. C'est parce qu'il savait que l'attaque du Stark ne devait rien au hasard. Mmh. Le crime était prémédité. Et après, Saddam Hussein a eu beau jeu de multiplier les excuses et même de verser des compensations aux familles des victimes. Tout ça, c'était des larmes de crocodile. Mmh. Est-ce que cet étrange Falcon 50 a rempli d'autres missions ? Non. Non, il semble bien que sa meurtrière attaque contre la frégate états-unienne ait constitué son unique sortie. En tout cas, il est sûr qu'après le 17 mai 1987, il n'a plus volé. Alors, qu'est-il devenu ? Fin janvier 1991, lors de la deuxième guerre du Golfe, il a été envoyé avec la totalité de la flotte aérienne irakienne en Iran. Chez l'ennemi d'hier. Et il s'y trouve peut-être toujours. Mais avant de s'envoler vers l'Iran, il avait été débarrassé de toute son avionique militaire. Il était redevenu un brave et innocent appareil d'affaires. En effet. Ainsi était mis un point final à cette extravagante affaire. Et c'est à ma connaissance le seul cas dans l'histoire de la guerre aérienne où un avion d'affaires a été utilisé pour lancer des missiles contre un bâtiment militaire. Je vous rappelle que c'est la revue Le Fana de l'aviation en janvier 2009 qui a pour la première fois en France levé ce lièvre. Alors que jusqu'à aujourd'hui, on pensait généralement que c'était un Mirage qui avait attaqué le Stark. Sur franceinter.com, vous pourrez réunir d'autres informations sur cette affaire et connaître le titre des livres qui ont été utilisés. À samedi prochain, merci à Valérie Ayestaraï, Michel Biou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub. Et tout de suite, après le flash, du verre avec Denis Chessou. Thank you.